Dieu nous a pris comme sa portion, son héritage. Voilà une grande bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il nous a pris comme sa portion, son héritage. Chapitre 1, verset 11 à verset 14. En lui, nous avons aussi été mis à part. Mais le verbe ici n'est pas le verbe commun pour choisir ou même pour mettre à part. Ça veut dire il nous a pris pour lui-même. La même idée qu'on trouve, par exemple, dans Psaume 33, 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Pareillement, Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, verset 20. Deutéronome chapitre 9, verset 29. Et qui sont ces personnes qui ont été choisies? Dans verset 11 et verset 12, c'est nous, c'est-à-dire les Juifs dans ce cas. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout cela selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est pour cette raison que nous savons que les Juifs sont en vue. Et ensuite, les païens ou les Grecs, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit et ainsi de suite. C'est-à-dire scellés par le Saint-Esprit, par la puissance de l'évangile, nous qui espérions d'avance en Christ, par la révélation qui avait déjà été donnée, et vous aussi, vous qui ne connaissiez pas cette révélation, vous aussi, vous avez cru et vous aussi, vous êtes scellés maintenant par le Saint-Esprit et vous faites partie, vous êtes membre de cet héritage. Dieu vous a mis à part, Dieu vous a choisi pour être son propre héritage, prédestiné selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Et tout cela, en fin de compte, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Maintenant, ce n'est pas tout ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne ce quatrième pilier. Mais quand nous parlons du mystère de la providence, nous ne voulons pas oublier que le mystère de la providence de Dieu ne s'intéresse pas tout simplement à la question de souffrance ou à la question de la direction dans nos vies ou de nos vocations ou quoi que ce soit. Le mystère de sa providence arrange toutes choses en fin de compte pour sa gloire et pour le bien de son peuple, racheté par le Christ. Il n'y a pas de manière de comprendre Romains 8, 28 sous le titre « Le mystère de la Providence » sans reconnaître de nouveau que c'est dans le contexte d'un passage qui parle du salut, de l'Évangile, de l'Esprit-Saint qui a déjà été donné comme le dépôt avant l'adoption finale à la fin de l'âge, vous voyez? Nous voyons la providence de Dieu. Nous estimons la providence de Dieu pas de la même façon que n'importe quel théiste peut l'imaginer. Mais nous comprenons ces choses en Christ. Nous sommes identifiés avec lui. Ce n'est pas le mystère de la providence avec ces deux propositions difficiles que j'ai mentionnées ce matin du point de vue philosophique. On l'appelle dans la philosophie la position compatibiliste, c'est-à-dire que ces deux positions sont compatibles. C'est la position, dans l'histoire de philosophie, compatibiliste. Tous les deux sont mutuellement compatibles. Mais nous n'examinons pas cela seulement du point de vue de ce qui est possible dans la philosophie ou dans l'épistémologie ou comment mettre ces deux principes ensemble. Et après un petit bout de temps, pousse encore comment le Dieu qui habite l'éternité peut parler de prédestiné, tout cela. Toutes sortes de questions difficiles dans ces deux propositions. Mais en plus, nous, les chrétiens, nous examinons cette question du mystère de sa providence dans la vision plus grande de ses buts en Jésus-Christ et ce que nous recevons de lui en Jésus-Christ. Et donc, pour nous, nous ne pouvons rien penser en ce qui concerne la souffrance, sauf de la position que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout simplement une question externelle, une question philosophique, une question de théodicée. C'est plutôt une question chrétienne. Donc, nous ne pouvons jamais avoir exactement les mêmes réponses que des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Jamais. Parce que ce n'est pas une question tout simplement intellectuelle. Oh, il y a de grandes questions intellectuelles au cœur de tout cela. Sans doute. Je ne veux pas dire que c'est seulement un sentiment. Mais c'est plus que cela. Ça touche les questions qui concernent la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, le bien qu'il a pour son peuple. Ce peuple qui a son héritage selon son dessein, selon la volonté qu'il avait déjà choisi devant la fondation du monde. Vous voyez, ça change tout. Un passage de plus, et ensuite des implications. Psaume 40. Ce psaume est divisé en deux, versets 1 à verset 10 et verset 11 à la fin. Versets 1 à verset 3, David nous donne son témoignage à verset 4. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Eh bien, la fosse, la boue, sans doute c'est une métaphore. De quoi? Je n'ai aucune idée. Mais c'est la souffrance, certainement. Et peut-être c'est une bonne chose que nous ne savons pas de quoi ça parle. De même façon que dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à verset 10, ce n'est pas nécessaire que nous soyons complètement certains de quoi l'apôtre Paul parle dans ses souffrances non plus. Et peut-être c'est une bonne chose. Si ça parle ici, disons, de la pauvreté, donc peut-être nous penserions que ce passage s'applique aujourd'hui seulement à ceux qui sont pauvres. Ou si c'était une maladie, peut-être ça s'applique seulement à une telle et telle maladie ou quoi que ce soit. Mais nous ne savons pas de quoi ces métaphores parlent. Des fois, Dieu répond à nos souffrances en y ajoutant la grâce, comme chez Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 1 à 10, il voulait que le Seigneur ôte les épines. Mais à place, Dieu ajoute tout simplement la grâce. Mais dans ce cas, selon le témoignage de David, Dieu, il dit, m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Cette expression dans la prochaine ligne, un cantique nouveau, on le trouve assez souvent dans l'Ancien Testament et de temps en temps dans le Nouveau. Ça veut dire tout simplement, il y a une autre occasion pour la louange. Une autre bénédiction de Dieu m'est arrivée et à cause de cela, j'ai un cantique nouveau. Et dans le Nouveau Testament, la place la plus importante avec cela, c'est sans doute dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 4, l'Apocalypse nous donne une vision de Dieu créateur, de Dieu transcendant, de Dieu tout-puissant. Et à la fin, il y a un grand chant. Et c'est Dieu créateur qui est loué. Et ensuite, dans chapitre 5, c'est Christ qui est présenté comme celui seul qui peut briser les selles. Les selles? Les sceaux, oui. Les sceaux de ce rouleau, de ce livre, pour accomplir le dessein de Dieu, pour le jugement et pour la bénédiction de son peuple, pour tout l'univers. C'est seulement lui qui peut faire cela et donc qui peut sauver le peuple de Dieu. C'est seulement lui qui peut faire cela. Et donc, il y a un nouveau cantique, une autre bénédiction. Et immédiatement après cette voix de témoignage, David en tire un principe plus général. Dans les premiers versets, ces témoignages, première personne, il m'a retiré. Il a adressé mes pieds sur le roc. Il a mis dans ma bouche, et ainsi de suite. Maintenant, troisième personne, verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » C'est-à-dire, il se souvient du mot « se confieront », verset 4. Il utilise le même mot dans un principe plus général dans verset 5 et 6. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Il y a bien des psaumes qui disent à peu près la même chose. Psaume 139, je ne vais pas prendre le temps de repasser ces choses. Et ensuite, après avoir en tiré un principe plus général, ensuite, il donne témoignage que la seule réponse suffisante, après avoir reçu telle grâce, c'est qu'il se donne à Dieu. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas suffisant qu'il donne un agneau, un brebis, un taureau, un sacrifice d'un animal. Ce n'est pas suffisant. La seule réponse suffisante, c'est qu'il se donne à Dieu. Verset 7. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau de livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Eh bien, qu'est-ce qu'il entend par cela? Est-ce qu'il veut dire maintenant qu'il faut absolument abandonner le système de sacrifice? Oh, certainement pas. Après tout, c'est encore 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est un peu comme le prophète Osée, n'est-ce pas? Chapitre 6, verset 6. Mais en fin de compte, donner un bœuf, mais ça coûte un peu d'argent. Mais ce n'est pas exactement la même chose que de se donner. Si mes souffrances étaient si pires que cela, la boue, la fosse, et Dieu m'a sauvé, quelle est la seule réponse suffisante? C'était dans ce cadre que David écrit, « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. » Misère, ça c'est une expression difficile. L'hébreu peut signifier « Tu as percé mes oreilles. » En ce cas, c'est possible, et plusieurs personnes l'ont suggéré, que ce qu'il y a en vue, c'est ce que nous trouvons dans Exode chapitre 21. Dans le temps, un homme pouvait devenir esclave d'un autre par une attaque militaire ou quelque chose comme cela. Mais il pouvait devenir esclave parce qu'il faisait banqueroute. Donc, il devait se vendre comme esclave. Il n'y avait pas de loi pour le protéger. Il devait se vendre. Mais selon la loi d'Israël, et ce n'était pas toujours bien préservé, bien obéi, mais selon la loi d'Israël, après 7 ans, l'homme était libre. Ce n'était pas pour toujours cet esclavage. Mais supposons que l'économie n'allait pas bien, chômage, peut-être il y avait 30% qui ne pouvaient pas trouver du travail. Pourquoi devenir libre? À quoi bon? Peut-être ce maître est vraiment gentil. Il donne à cet esclave et à sa famille une place pour vivre, du travail, assez d'argent, dans une économie suffisamment baissée. Ça serait un grand don, n'est-ce pas? Donc, il décide, à la fin de 7 ans, de rester attaché au foyer. Donc, il y avait une cérémonie, percer l'oreille sur la porte du maître pour signifier qu'il veut rester comme esclave tous les jours de sa vie. Donc, peut-être David dit en effet, « Je veux être ton esclave pour toujours. » Et bien des personnes ont suggéré, c'est la bonne interprétation ici, « Tu m'as percé l'oreille. » Mais le texte dit, « Tu as percé mes oreilles » au pluriel. Et la cérémonie qui est mentionnée dans Exode chapitre 21 ne perce qu'une oreille. Mais l'hébreu peut aussi signaler tu as to dig out something? Creuser, oui. Tu as creusé mes oreilles. Maintenant, l'idée de creuser une oreille, ça semble que ce n'est pas bien gentil. Donc, il y a une espèce de paraphrase ici. Tu m'as ouvert les oreilles. Ma mère, j'ai déjà dit, est née à Londres. Elle est née dans un endroit, un district de Londres, où ils avaient toute une longue liste d'expressions pas bien connu ailleurs dans le pays. Pour ceux qui connaissent l'Angleterre, elle était cockney, avec toutes sortes d'expressions amusantes, disons. Et des fois, quand nous étions assez jeunes enfants dans la famille, si nous n'étions pas suffisamment vite à répondre avec obéissance et joie, elle criait « Creuse tes oreilles !» Et nous savions toujours ce qu'elle voulait dire. « Ouvre tes oreilles, hein, parce que tu n'entends pas. » C'est ce qu'elle disait. C'est la seule femme que j'ai jamais entendue avec cette expression, mais sans doute d'autres qui étaient cockney disaient la même chose, je n'ai aucune idée. Et l'idée, c'est que si nos oreilles ont été bien creusées, donc nos oreilles sont ouvertes, et donc nous pouvons comprendre. Nous pouvons obéir, nous pouvons être ouverts devant Dieu, vous voyez? Et donc, la paraphrase qu'offert la colombe ici n'est pas pire. Tu m'as ouvert les oreilles. Ce n'est pas le même verbe, mais certainement la même idée dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, une chanson du serviteur souffrant. Ésaïe 50, à partir de verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné, » et c'est le serviteur qui parle, « Il m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. » Ça dit en effet, « Il ouvre mon oreille. » C'est un autre verbe, mais c'est ça que dit l'hébreu. « Il ouvre mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. et je ne me suis pas retiré en arrière. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré donc mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages de ces crachats, et ainsi de suite. C'est-à-dire, à cause de l'obéissance du serviteur souffrant, Jésus a tout subi cela parce que Dieu lui avait ouvert l'oreille. Et donc, il a obéi, vous voyez? De même façon, ici, David dit, dans Psaume 40, « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as donné le don de t'obéir. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, « Voici, je viens, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Père. » Et aussi avec cette ligne, avec le rouleau du livre écrit pour moi, comme si David sait que même son obéissance, sa position dans la dynastie davidique, dans la dynastie davidique, c'est à cause déjà de la promesse de Dieu. Probablement, il fait référence ici à 2 Samuel 7, verset 14. Vous voyez? C'est déjà écrit. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ça, c'est la seule réponse acceptable devant toi. Et ensuite, ce n'est pas tout simplement une révélation privée, une décision privée. De plus, maintenant, il rend témoignage dans la grande assemblée. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais, je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité, et ainsi de suite. Eh bien, je reviendrai à ce passage dans un instant parce que c'est cité dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10. J'y reviendrai dans un instant. Mais notez bien maintenant le reste du psaume, 12 à 18. 12 à 18. Parce que maintenant, on revient encore une fois à la souffrance. Ce psaume a débuté avec la souffrance, la fosse, la boue. Dieu l'a délivré. Et maintenant, il rend témoignage. Vous voulez vous apprendre comment répondre à Dieu quand Dieu vous délivre? Suivre l'exemple de David, vous voyez? La bonne réponse est de vous donner à Dieu lui-même, pas tout simplement ajouter la dîme dans la collecte. Mais ce n'est pas suffisant d'offrir un bœuf. Tout ce que ça prend que nous nous donnions nous-mêmes à Dieu. Ça, c'est la seule réponse qui est suffisante. Mais quand même, il y a d'autres choses qu'il faut mentionner ici. Dans les versets suivants, David reconnaît que parce qu'il a souffert une fois, ça ne veut pas dire que maintenant il ne souffrira plus. Parce que vous avez subi le divorce, ne signale pas nécessairement que vous n'allez pas souffrir du cancer. Parce que vous avez subi le cancer, ça ne signale pas nécessairement que votre assemblée ne sera pas divisée. Parce que vous avez subi quelque chose d'effrayant dans l'assemblée, ça ne signale pas nécessairement que vous n'allez pas perdre un enfant. Il faut attendre, il y a toujours une autre souffrance. Donc, David n'est pas ici si naïf qu'il prétend avec cette délivrance, il n'y aura plus de problème. Il y a des chrétiens comme cela, vous savez. Donc, ils sont toujours extrêmement déçus quand il y a un autre problème. Que dit David? Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours. Car, premièrement, des maux sans nombre m'environnent, mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. C'est-à-dire, Des fois, ce sont mes fautes qui me causent à souffrir. Ce sont mes fautes, des fois, qui sont la cause de mes souffrances, n'est-ce pas? Ça arrive assez souvent. Nous sommes nous-mêmes la source de nos souffrances.